malgré ton passé, je sais que tu es un homme bon. Et tous les hommes bons ont droit à une seule chance. Oh. Dès l'instant où j'ai reçu ta première lettre, j'ai su que tu étais différent des autres. Tu partais vraiment de rien et tu as travaillé très dur pour en arriver là. Mixtape RAP, Z de ce connex, TTH, DJ Trick, nous avons ça. Rien à payer.